dans des vapeurs soporifiques. Essayez de garder l'œil ouvert sur le jeu d'acteur de ces politiques. Immunité des plus totales, grosse vision apocalyptique. Poison de plus qui rend potard, t'avais déjà interpellé petit. Combien tourne aux narcoleptiques. Des allers-retours au psy, des ambiances trop obscènes. Des choses bien trop dark pour nos petits. Je crois bien c'est trop tard pour nos petits, moi qui croyais en la magie. Broyé par la machine, c'est bien notre trop d'apologie. Ok, mes poumons crient, le bien et le mal des moutons gris. Un jour on meurt, un jour on vit, donne-nous ton prix. Ah, t'as plus ou moins tout compris, t'as plus en plus de tout compris. T'as vu de plus en plus aigu sans psychiatrie. Beaucoup d'aigus, t'égare les cicatrices. Pas besoin que j'expose l'utilité de ta bif. Ou bien que j'explore l'idée qu'on se passe la force multipliée par 10. Là je nique le score, la vie se sport avec ton libre arbitre. Je kick le store, j'écris ma petite histoire loin de leur oligarchie. Piégé dans les pouvoirs du temps, près des soulards du pain. Le foulage du sang, j'apporte les couloirs du vent. Avec du monde dans la ville, une bombe sur la cible. Du monde dans la cible, motive l'élite sur la cible. Dans les pouvoirs du temps, près des soulards du pain. Le foulage du sang, j'apporte les couloirs du vent. Avec du monde dans la ville, une bombe sur la cible. Du monde dans la cible, motive l'élite sur la cible. Piégé tout le temps, on se réfugie dans un boucan. On veut plus siéger sur le banc, on n'est pas prêt pour la mouvance. Tu me verras dans 100 ans, ça dépend si je performe. Mais je serai quand même du passé, y'a pas de fontaine de jouvence. Je dévie, je devine, démontre, dénonce les vices. Le démon résiste, médite, décompte les chiffres. Et je vois l'encre s'écouler, à qui la faute. Demain on saura peut-être moins le prochain nom sur le Death Note. Comme si le destin pouvait être contesté. Laisse passer, mais garde ta modestie. Non merci, moi je compte rester, y'a plus de respect. Le mal s'égare, l'instru, je l'ai molesté. Tout le monde s'écarte, je connais mon rôle, secrète comme le coup. Cholestérol, une idée bien folle. Tout à coup les gens acquiescent. Et y'a un peu plus d'un cas qui croit voir que les pôles s'inversent. Trop de paresse raconte une sagesse, un fou. Et lui pareil, je voulais s'en parler dans entre les vous. Pouvoirs du temps, près des soulards du banc. Le foulage du sang, j'apporte les couloirs du vent. Avec du monde dans la ville, une bombe sur la cible. Du monde dans la cible, motive l'élite sur la cible. Dans les pouvoirs du temps, près des soulards du banc. Le foulage du sang, j'apporte les couloirs du vent. Avec du monde dans la ville, une bombe sur la cible. Du monde dans la cible, motive l'élite sur la cible. Je me lève avec une gueule d'épouvantail, un mal de crâne épouvantable. Je suis pas pédophile mais je sors avec une taille 12 en tâche, les pieds sur terre. Autant qu'un cul j'attends chaise roulée en tas. Force de se défoncer la gueule à l'alcool, on est tous en marche. Je veux que les pouces en balle en écoutant ça. Tu dis que t'écoutes pas de la merde frère, mais c'est pourtant le cas. Faut te mettre à la page, nos sons t'éclatent la face. On visite ton appart mais pas comme Stéphane Plaza. Ouais c'est honneur connexion, les punch on les collectionne. Même si tes collections, t'as l'écoute en air connaissant. J'ai le soin d'un zombie, j'suis complètement insomniaque. L'album toujours parqué des freestyles, bouche en oreille comme Mike Tyson. Tu veux nous check mais d'abord complète le menton. Tu veux nous tester complètement con mais complète le menton. J'm'en porte man comme Nathalie dans Léon. J'ai le coup du risque, mon porte absinthe impact. Toujours une bite au bout du fil. Piégé dans les pouvoirs du temps, près des soulards du banc. Le foulage du sang, j'apporte les couloirs du vent. Avec du monde dans la ville, une bombe sur la cible. Du monde dans la cible, motive l'élite sur la cible. Dans les pouvoirs du temps, près des soulards du banc. Le foulage du sang, j'apporte les couloirs du vent. Avec du monde dans la ville, une bombe sur la cible. Du monde dans la cible, motive l'élite sur la cible.